Et voilà, c'est le dernier tour de piste. C'est le moment où tout devient plus triste. Plus un sourire, les couleurs s'assombrissent. La vie sans l'espoir est un vrai supplice. Mais les amis, c'est quand même pas la fin du monde. On s'arrête là, mais comme la Joconde, notre œuvre survivra à travers les âges. 10 générations se rendent. C'est la fin, c'est la fin. L'album est fini, allez au poli. Non, ne pleure pas petit, tout n'est pas fini. Si tu appuies sur play, allez, c'est reparti. Merci d'avoir tenu jusqu'à la fin. Non, ce n'était pas gagné d'avance. Tu as subi, mais tu as tenu, copain. C'est fini maintenant, savoure les vacances. On vous remercie pour votre fidélité. À vous les amis, parents et invités. Merci également à Monica Bellucci. Elle a rien fait pour nous, mais elle est si jolie. Si jolie. L'album est fini, allez hop au lit. Demain faut bosser, alors souris. La fin, c'est la fin. Non, ne pleure pas petit, tout n'est pas fini. Si t'appuies sur play, allez, c'est reparti. Merci à toi, jeune Julie. Ton accent corse fait rire, Médine Figatelli. Merci à toi, jeune Émilie. Intermittent du spectacle, t'en sors quand même grandi. Elle est naine, ouais. On va remercier d'autres personnes qui nous ont suivis pendant cette aventure. J'ai nommé merci à toi, jeune Malus. Vu tes pecs d'acier, j'imagine ton phallus. Merci à toi, mon jeune Anto. Même si tu n'es plus là, on pense à toi, mon gros. On remercie aussi ceux qu'on a oubliés. Sans nous, vous n'êtes rien, comment vous remercier? Dès que vous aurez un petit moment de doute, appuyez sur play, cette musique en route. Et si un séjour, il n'y a plus rien qui va, appuyez sur play, relancez l'espa. Et si un séjour, il n'y a plus rien qui va, appuyez sur play, relancez l'espa. Rafarin, Rafarin. Moi c'est fini. Rafarin, un lapin. La fin, c'est la fin.